armes de rage et de courage, on frappe avec les vers. On marche avec les frères. Et si on tombe, on garde le poing en l'air. Les insoumis jusqu'au dernier souffle de vie. On défend notre culture, de l'aube jusqu'au crépuscule. Je veux toujours en infraction, jamais en règle. C'est l'habitude de l'attitude délinquante. Et bouge la tête si t'as le virus. Croyant public, croyant du noir comme un non-voyant. J'ai pas le sens civique et je m'attends toujours à ce qu'un flic tire. Aujourd'hui, tout se dans le premier coup de feu. Si tu me regardes dans les yeux, fais gaffe, j'ai Dieu dans le cœur en mal métal. Mes gars puissent sur le FN et sa flamme bleu blanc rouge. Et je crache sur le premier raciste qui fait feu quand je bouge. On fait pas de concession, l'État allume la mèche. On pêche sans confession et plus le temps passe. Et plus des véhicules s'embrasent lorsque des jeunes meurent. Le cœur de leur pleure quand les guns des keufs heurtent. Je les ai jamais vus payer pour un seul meurtre. Les stars pleuvent comme tous les autres, du haut jusqu'en bas de l'échelle. Mais je suis militant et je brise mes chaînes, ne bise des chaînes. L'État nous freine, mais on avance, les kiss démènent la danse. Si tous les jeunes unissent pour qu'elle la France, tu sais qu'elle perd d'avance. Armée de rage et de courage, on frappe avec des verres. On marche avec les frères. Et si on tombe, on garde le poing en l'air. Les insoumis jusqu'au dernier souffle de vie. On défend notre culture, de l'aube jusqu'au crépuscule. Armée de rage et de courage, on frappe avec des verres. On marche avec les frères. Et si on tombe, on garde le poing en l'air. Les insoumis jusqu'au dernier souffle de vie. On défend notre culture, de l'aube jusqu'au crépuscule. Ils me font rire, ces fachos qui parlent de pénis, ils ont pas de couilles. Moi je nique la France, le pénis des celles de Charles Trainé. Mes têtes grainées, on le sent chaud, j'ai trop traîné. Vu trop de traîtres et plus de flics zélés qu'il en faut. Un gros drap comme un info de chatte, j'ai le parler qui choque l'église. Comme une petite enceinte à 13 piges. La haine, j'en ai les symptômes, je vois trop d'rien. Mais je m'en fous, la vie est trop courte comme les traits sur la paume de ma main. Je marche sur la corde raide, j'ai trop de potes qui sont allés voir Jésus. À croire que la mort a un corps de rêve. On veut me bourrer le crâne, on me dit que les skins font du reggae, mais je m'en bats. Je crache dessus comme quand de pédés s'emballent. Alors emballe tes grands discours et parle concret. Barreau de prison, barre de prison, c'est que des blabla de congrès. Celui qui dirige le pays nous divise. J'emmerde les droits civiques, je suis qu'un délinquant noir, une proie pour un civil. Armé de rage et de courage, on frappe avec des verres. On marche avec les frères. Et si on tourne, on garde le poing en l'air. Les insoumis jusqu'au dernier souffle de vie. On défend notre culture, de l'aube jusqu'au crépuscule. Armé de rage et de courage, on frappe avec des verres. On marche avec les frères. Et si on tombe, on garde le poing en l'air. Les insoumis jusqu'au dernier souffle de vie. On défend notre culture, de l'aube jusqu'au crépuscule. On escalade les barricades et grimpe aux palissades. Aucun barrage n'arrête un paria. Tout Paris crame, ça kick comme dans un film de Jackie Chan. Je vois la flicaille qui claque une rate, qui clame son innocence. À côté, un refrain se fait chicoter pour délit d'ignorance. Il est débat au courant, souvent il nous casse les couilles. Crache les douilles, mais si je suis touché, je lèverai le poing avant de me coucher. C'est l'état d'esprit, les galets d'esprit dans la spirale. Tous des combattants admirables. Et moi je milite à chaque tirade, mon attirail chargé à bloc. Austère envers ceux qui prospèrent dans les hautes sphères du marché de la drogue. Tu peux sniffer de l'alcool, teaser l'alcool, personne va t'emmerder. Les flics vont te sauter pour un spliff dans l'air ERD. Toujours l'air énervé, mais j'ai plus de mecs que toi. Teste-moi, je connais ce regard et je reste droit, c'est dead ce soir. Si crois qu'ils me terrorisent, mon rap extériorise ma haine et préconise notre évolution à travers la révolution. Armée de rage et de courage, armée de rage et de courage. On frappe avec des verres, on frappe avec des verres. On marche avec des frères, on marche avec des frères. On garde le poing en l'air, on défend notre culture, de l'aube jusqu'au crépuscule. Armée de rage et de courage, on frappe avec des verres, on marche avec des frères. Et si on tombe, on garde le poing en l'air. Les insoumis jusqu'au dernier souffle de vie. On défend notre culture, de l'aube jusqu'au crépuscule. Juristique, armée de rage et de courage, on frappe avec des verres. On marche avec les frères. Et si on tombe, on garde le poing en l'air. Les insoumis jusqu'au dernier souffle de vie. On défend notre culture, de l'aube jusqu'au crépuscule. Armée de rage, cousin. De rage, Tony Johan. Ouais, la chance, cousin. Droit tréma, respect, tous les insoumis.